Ils disent, si vous ne rendez pas mécréant celui qui juge contre l'ordre d'Allah, c'est que vous voyez que cela est permis. C'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse? On dit là, on a dit quoi au tout début du livre? Que c'est wajib. D'accord? Le fait qu'on ne rend pas mécréant, on ne peut pas dire qu'on dit que c'est permis. Dans ces conditions-là, toute personne qui fait un péché et qu'on ne rend pas mécréant, on va dire que c'est permis de faire ce péché-là. Bah, il n'y a plus de péché sur terre, ça veut dire. Donc là, c'est baratil. Et Kazali, quand ils disent, ouais, vous voyez qu'on ne fait pas khurouj sur le hakim, c'est-à-dire que vous êtes d'accord, vous le défendez, non? Kazali? La yalzam min zalik. Le khurouj, c'est interdit. Et ce que le hakim fait, c'est interdit. Votre khurouj, on l'a dit au début du livre, c'est pire encore. Car ça amène à un façade dans le mujtama' kamil. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de patienter sur le hakim zalim, il a dit quoi? De combattre les khawarij. Et le fait de ne pas sortir contre lui, de ne pas nous rendre mécréants, ne veut pas dire qu'on obéit dans tout. Ce qui est mukhalaf, on ne l'obéit pas. D'accord? Et ça ne veut pas dire qu'on l'aime. Le fait d'obéir à un hakim dans le char, ça ne veut pas dire qu'on l'aime dans notre cœur. Parce que t'en as, ils en font trop des fois. Ils disent, il ne faut pas le hakim kazakanam. Et après, il commence à faire son éloge, il commence à citer ses paroles comme si c'était un imam. On dit, il ne va pas trop loin non plus, tu vois. Lui, là, il y a comme les mains d'Allah, c'est kouf asra. C'est pas une chose à prendre à la légère. Ce qu'il fait, c'est grave. Comment tu fais son éloge? Hafizahullah, là, kul aslahullah, hadahullah, amma hafizahullah. Pourquoi? Tu entends un avocat pour qu'Allah le préserve, ce qu'il est en train de faire comme bâtil. Hadama aslah, hada. Tu vois? Tu dis, on ne sort pas contre lui, on ne veut pas de riba sur lui, mais on ne consomme pas son mal non plus. Là, il frotte ou la tafrit. T'en as, c'est, soit il faut le sortir, rouge, tourne. Il dit non. D'autres, c'est non, il faut le caresser, il faut lui faire des éloges, il faut le faire, voilà. Il dit non non plus. Le wasat, le juste milieu.